Tragédie simple par la comtesse de Noailles. Un confort matériel et moral entourait, comme le rembourrage rebondi et piqué d'un fauteuil de Moleskine, la vieille dame provinciale. N'ayant jamais souffert, elle était exempte de l'appréhension de la douleur issue de la connaissance. Sa vie, déjà fort avancée, déclinait insensiblement et sans lui apporter la notion d'aucune diminution pénible à constater. La vue, l'ouïe, la démarche, avait glissé vers la vieillesse de la même manière lente et sage que ses cheveux s'étaient mis à se décolorer. Sa demeure modique et soignée était assez vaste pour loger pendant les mois d'été ses filles et ses gendres. Le jardin étroit était utilisé avec un sens pratique si parfait qu'il ressemblait à un vase comble en sa portion fleuriste, à un légumier rutilant dans sa partie potagère, à un compotier exposé dans un équilibre insensé le long des espaliers. Rien ne désignait à la mort la vieille dame alerte, insouciante, active et parcimonieuse, charitable pourtant par une sorte d'hygiène du cœur qui lui faisait distribuer le surplus de sa richesse comme un tempérament prédisposé à l'obésité se maintient par l'exercice. La vieille dame provinciale n'aurait pu être définie en ses pensées et en son caractère, car une certaine âpreté de nature lui donnait l'aspect d'être socialement entourée de palissades, où semblaient inscrits, tel un privilège, détenu par elle, les mots « défense de comprendre ». De même voit-on les portes des domaines hostiles et sans tendresse proclamer l'interdiction d'y pénétrer. Tout annonçait qu'elle dut achever dans la sérénité le cours fléchissant de ses ans, mais sa mort fut précédée de quelques semaines d'agonie. Elle tomba malade, peu gravement semblait-il tout d'abord, pourtant il parut plus raisonnable à son entourage qu'elle transformât ses habitudes et elle dut occuper son lit, qu'elle n'avait fréquenté d'ordinaire que dans la salubre inconscience du sommeil. Son tempérament vaillant fut moins atteint immédiatement dans ses fibres corporelles que dans son puissant instinct de coutume, d'ordre et de direction. Toute journée apportait à la malade son poids de minutes harcelantes, dont chacune épelait ses 60 secondes et imposait la notion du temps, lequel s'appesantissait sur le cœur attaqué, l'oppressait, et dans un rapt sournois, lui dérobait des brins solides de patience, de résistance et d'espérance, avec ses coups de bec rapides et durs qu'on voit aux oiseaux impies détruisant leur nid. Si bien que la vieille dame provinciale, que toute faiblesse et confidence, la tendresse y comprise, avait toujours trouvé rebelle, sévère et méprisante, s'abandonna pour la première fois à la douceur intime des timides échanges et de l'interrogation, reniant ainsi l'entêtement par qui l'être se maintient et se défaisant de la digne solitude. Autorisée à le faire, ses enfants l'entourèrent d'affection et de soins. Ses servantes s'empressèrent autour d'elle et confectionnèrent les recettes du médecin à la manière dont elle les avait comprises, ce qui détournait souvent de leur sens les indications nécessaires. Mais le médecin ayant parlé, écrit, ordonné, se désintéressait de l'application de ses commandements, tout en demeurant supérieur, planant, et de large envergure, comme le condor sur un sommet des Andes. Le prêtre du village voisin était venu plusieurs fois par semaine, dès le début du malaise, s'enquérir amicalement de l'état de sa vieille amie, qui était aussi sa partenaire au jeu de whist, et soucieux à présent des progrès du mal, il ne quittait plus guère la demeure bourgeoise, d'aspect janséniste, mais secrètement nanti d'un pénétrant confort. Un jour de septembre, à l'heure du crépuscule, quand la vie du soleil se retire de l'espace et livre les humains à leur propre force et aux ressorts vivaces ou épuisés de l'imagination, la malade qui s'était progressivement sentie abattre et démantelée, plia sous un choc secret, infime mais essentiel, et démunie vraiment, elle donna à son entourage, par son aspect soudain délicat, une impression inusitée et pénible de communication sincère et de bonté. Elle semblait ne plus appartenir à elle-même, abdiquer son contrôle unique, et dans un geste de suprême confiance, enfantine et déraisonnable, n'émettant plus aucun avis, elle se livra entièrement au sien. Elle souffrit extrêmement. Les douleurs abdominales entraînaient son corps dans une lutte où apparaissait la dualité de l'être physique, qui dans la souffrance cherche à se diviser, à s'arracher à lui-même pour fuir la portion de soi qui devient son ennemi, le torture et empiète sur sa dernière liberté. Une pitié générale, le sentiment qu'un drame humain de noble renommée s'insinuait dans cette maison médiocre gravait sur les visages une expression de tristesse vénérable mêlée de pieuse acceptation et d'un besoin vibrant de sacrifice. Tous se mirent à servir, agissant dans l'obscurité qui, à la fin du jour, s'établissait dans la chambre. Cette couleur du soir en automne, grise et dorée, où de premières pluies précipitaient leurs larmes exiguës, semblait attentive, dolente, précautionneuse. Sur la pelouse du jardin, les cimes des grands arbres s'emparaient du vent, le retenaient, le rejetaient, formaient une orchestration mélancolique et balançaient sur l'horizon des branchages emplis d'extrêmes appels et d'extrêmes contrariétés. Dans la demeure douloureuse, les filles, tendres mais stoïques, faisaient preuve autour de leur mère d'une force de caractère qu'elles tenaient de leur éducation. Les gendres, par un sentiment digne et précis de leur rôle secondaire en ces moments cruels, imitaient chacun leur femme avec atténuation, sur un ton plus bas, et comme s'ils eussent été l'ombre fidèle et foncée de ces corps féminins à qui l'animation de la sensibilité prêtait une soudaine phosphorescence. Les servantes, touchées au cœur comme elles le sont par le hasard, l'accident, les romans d'amour et le deuil, se dépensaient sans mesure, joignant à leur compréhension arbitraire, par conséquent erronée, des formules médicales, une fébrilité contenue, d'autant plus nocive que la famille, respectueuse d'un si grand dévouement, ne s'opposait plus à cette chimie populaire, subjective, imprévisible et d'un résultat fantasque. Inattentif à ce qui se passait réellement, le médecin, soulevé par l'imagination, donnait des ordres comme un lieutenant commande à ses hommes, et son état de vigueur organique était si parfait qu'il permettait de mesurer l'ignorance où se trouvait cette économie radieuse et comme lustrée de la dégradation de son vis-à-vis vaincu et la distance infinie qui les séparait. Enfoncé dans un fauteuil profond, que pourtant il débordait, paisible, ayant usé par habitude le sens de la mort, le prêtre silencieux et matois guettait l'âme. Si cruellement ému que fussent sincèrement les membres de la famille, l'acceptation s'était faite dans leur esprit désormais renseigné, patient et habitué soudain à sa tristesse. C'est alors que plus rien ne concerna désormais la mourante, ne fut plus adapté à son état lointain et misérable, à sa formidable singularité. Et au milieu de tous ces vivants animés de l'irrésistible besoin de l'aider, de la secourir, de lui complaire encore, sa solitude commença. Il y eut cependant autour d'elle des retours exécutifs. La servante la plus dévouée ou reconnut-elle par l'âge et les années de service routinier, prit dans sa désolation et indubitable quelques avantages sur les autres et des initiatives, mais son embonpoint, sa mauvaise vue, sa demi-surdité joint à la fermeté de ses décisions rapides ne pouvaient être propices. Elle appliquait avec persuasion sur la gisante et renouvelait avec persévérance des linges retirés de l'eau bouillante qui laissait émaner au bord du lit des volutes de vapeur torride dont souffraient les doigts de la servante stoïque et qui imposaient au corps mourant un cuisant supplice dont son état déchu lui interdisait de se préserver. Pour mieux vaquer à sa besogne et oubliant dans une heure si solennelle le cruel déplaisir qu'une lumière tranchante avait toujours causé à la vieille dame provinciale, amie de lampes voilées, de moelleuses et habiles pénombres, elle tourna un commutateur qui fit jaillir et maintint dans la chambre dolente l'éclat terrible de deux globes électriques, ornement du miroir et de la cheminée, dont l'incandescence sèche et immobile dirigeait une curiosité de feu sur l'agonisante lassée jusqu'à l'âme et désormais sans refus. Les filles, les gendres, nul assistant n'eut la pensée d'atténuer cet excès inaccoutumé et incommodant de lumière qui, à leurs yeux respectueux, semblait briller soudain en l'honneur de celle qui allait mourir, lui faire fête et commencer sa glorification. Mais comme ce gémissement allait croissant, un sentiment de désespoir étreignit tous les cœurs et le besoin de secourir se fit une fois encore impérieux. On se retourna vers le médecin, implorant par d'insistants regards sa science hermétique. Il décida l'administration d'un remède où le chloral, la valériane, le bromure, une dose abondante de laudanum, formeraient un sédatif puissant, assuré, qui n'essaierait plus de lutter contre la mort, mais de s'associer à ses efforts et de l'adoucir. La plus jeune servante, le visage brûlé de pleurs, les joues empourprées, en proie à cette fièvre confuse du cœur que lui avait donnée jadis sa première communion, le tir et le carrousel au village, et l'incompréhensible rupture de ses fiançailles paysannes, prépara la recette prescrite. Dans les ténèbres du lit chaud et bouleversé, fut introduite cette antique médication qui, gauchement guidée par la main tremblante et mal experte, se répandit autour du corps expirant sans qu'aucune goutte apaisante ne le pénétrât. Et dans l'obscurité de ses pensées, la moribonde, soutenue par un sentiment de résignation horrible, se sentit plongée dans une humidité sans recours et connut que le calmant qu'on lui avait présenté avec des louanges flatteuses s'était perdu à jamais autour d'elle. Mais, privée de la parole, du mouvement, de la physionomie même, ensevelie sous son apparence défaite comme sous le couvercle d'un sarcophage peint de couleurs livides, elle n'avait plus pour auditoire que l'abîme déjà assourdi et ténébreux de son cœur. Le médecin, avec la conscience heureuse et rassérénée d'un homme qui a donné par humanité le coup de grâce, s'éloigna, indifférent désormais, mais non sans avoir indiqué à tout le groupe familial, par un doigt posé sur les lèvres et par une démarche feutrée, que le silence et le calme s'imposaient, la malade entrant désormais dans la douceur de ce paradis artificiel que tout organisme à l'agonie était en droit d'attendre de sa compétence comme de sa mansuétude. L'auréole discrète et mystique du deuil entourait déjà tous les fronts affligés. Fils et gendres s'abordaient sans parole, mais avec des pensées transparentes et d'une nette intelligibilité que d'ordinaire les vocables leur refusaient. Ces vivants, momentanément devenus un peuple de fantômes, glissaient, bruissaient autour de la mourante qui, par son premier rôle tragique, gardait seule de la puissance matérielle et attachait sur elle l'attention du destin vainqueur qu'elle avait si longtemps tenu en échec par ses deux noblesses vigilantes de l'homme, l'autorité et le commandement. Si légère se faisait cette famille digne, mesdames malingres et résignées, que les objets prirent soudain un éclat palpitant et cordial, une subite prépondérance. On vit la tenture fleurissante et coloriée de la chambre considérée avec des yeux de guirlande le suffocant visage. Sur le marbre gracieux de la cheminée, les torchères, deux vases de chine, la pendule au cœur ferme et visible entre ses piliers de sombre malachite, les chandeliers où l'étincelle d'argent du métal bien poli scintillait comme la prunelle d'un regard, assistaient d'amour leur hôtesse en péril. Au moment où le corps moribond parut livrer au sort un final combat, l'un des gendres, plus ému, chercha des yeux le médecin. Le voulant attirer, voulant l'obliger à servir encore, pilote habile près de ce vaisseau qui sombrait. Mais le médecin se confondait avec les plis des rideaux dans l'encoignure de la croisée où il était à côté, haut, robuste, bien découplé, tenant entre les doigts un rosaire qui l'égrenait, tandis que ses yeux tranquilles, sans pensée, adonnés à la seule constatation, fixaient sur les sursauts de la respiration déclinante le regard d'un photographe sceptique qui, mécontent de l'éclairage et des conditions de la pose, se désintéresse absolument du cliché. À ce moment, un soupir déchirant et lassé souleva puis abattit la mourante et le prêtre, agile comme un chasseur, se précipita sur ce visage qu'il semblait vouloir bâillonner. Il lui octroyait les derniers sacrements. Devant ces agonies pitoyables où se perpètrent les poignantes maladresses, devant ces médiocres morts lentes et offensantes, je pense à vous, génie de l'instinct et du rêve, mort tiède de la volupté, paupières fermées sur de profondes délices, déclamations muettes des âmes enivrées, sceau indélébile de l'immortel désir. Je pense à vous, éclatement de la bière d'Héloïse, dont on vit s'écarter soudain les bras rigides pour recevoir sur son cœur l'amant appauvri de sa jeunesse, qu'on lui rendait et qu'elle n'avait pas cessé d'aimer. Je pense à vous, dont les yeux flamboyaient comme le feu des mousquets dans la fumée des combats de la Révolution, femme violente d'un chef assassiné, qui voulut conserver dans votre chambre le cercueil où reposait un corps défait, que vos pensées rejoignaient comme les racines des fleurs vont se relier aux membres glacés et immobiles des tombeaux. Je pense à vous, Julie de l'Espinasse, qui à l'agonie, dans ce langage bien ordonné qui nouait toujours son motif classique à vos déchaînements, réclamiez le secours de l'opium, non contre les suffocations et le livide abîme du néant, mais contre le pouvoir d'un visage trop aimé. Je pense à vous tous, amants illustres ou inconnus, qui n'avez pas admis de ne pas périr ensemble, ou qui, survivant dans la douleur, la hantise et la persévérance, n'avez pas trahi le conseil profond de l'âme dans les moments du plaisir, son exigence de fixité, de haletante ivresse et son besoin d'infini. Ayons pitié de ceux qui, expirant, n'émeuvent plus que par l'intrusion en leur personne de l'étrangeté de la mort, et dont l'état misérable suscite un intérêt méditatif que ne provoquaient plus leur corps sans flamme et leur débile vie. Redoutons de mourir à ces heures tardives de l'existence où nous ne sommes pas aussi chers à un être que son souffle même, où de véhément débat avec le sort ne s'engage plus autour d'une couche livrée à l'approche du froid clandestin, comme peut l'être le mort abandonné dans les champs au vent duveteux des sombres oiseaux. Heureux ceux qui ne dénouent jamais les liens terrestres, et en mourant entraînent avec eux dans leurs ténèbres une portion des cœurs vivants, qui les nourriront mystérieusement d'azur aérien, de secrètes et amoureuses pensées. Consolante intimité avec les morts, eux seuls, en leur immobilité, en leur stable bienveillance, conservent l'image intacte de notre jeunesse et nous assurent l'invisible mais inaltérable durée. Le temps est bref qui nous sépare de nos profonds et muets amis. Rien ne cesse avec les morts aimés. Ils nous ont désigné l'accès du chemin sans issue, et comme par une hérédité d'élection, ils nous donnent l'habitude et parfois l'attraction de la mort. Un choix d'amour fait se réunir ou se succéder dans les demeures du sol des couples humains aussi harmonieusement que se perpétuent sur la surface de la terre les rencontres privilégiées. Comtesse de Noailles, décembre 1922.